Benvinguts, benvingudes. Aquest programa que escoltareu a continuació durant els propers gairebé 60 minuts es diu Olala Music, programa de música en francès que us porta Rafael Corbí. Avui és un programa, el moment d'enregistrar-lo coincideix amb uns dies sacsejats a casa nostra, al nostre país, a Catalunya. Per tant, avui serà un programa eclèctic, un programa en diverses, molts estils musicals, de gent molt diversa. Sazi serà la primera des de l'àlbum Rodeo del 2004, la cantant i compositora francesa nascuda a Boulogne-Billancourt el 1964, Elisabeth de Truchy de Verenza, es diu Jarrith Ghost. Le temps pour un dernier verre, parler de tout et de rien. Le temps de finir le concert, le temps du dernier refrain. Le temps de remettre ma vie entière entre vos mains. Entre vos mains. Le temps de m'y faire, je prends mes affaires et puis j'arrive. Le temps qu'il me reste pour ce que je laisse là sur l'autre rive. Et sourire tant que je respire si j'y arrive. Et j'arrive. Juste le temps passé avec toi autant de temps que tu veux. À peine le temps de croire en moi, pas le temps de croire en Dieu. Et me lasser de cette vie-là, ça je sais pas si je peux. Je sais pas si je peux. Le temps de m'y faire, je prends mes affaires et puis j'arrive. Le temps de dire adieu à ceux de l'autre rive. Et puis sourire jusqu'au dernier soupir si j'y arrive. Et j'arrive. Hola, la Music és un programa que us arriba cada setmana, habitualment amb artistes, àlbums, convidats que en fem un seguiment, però avui el que fem és escoltar diversos artistes que ens acompanyaran en cançons diverses i de tots els estils i de totes les generacions. Per tant, seguim amb Daniel Lavoie i aquest tema anomenat Belle 2 d'aquest cantant franco-canadenc nascut el 1949 de Dunria, de Manitoba. Belle dans son cœur qui a connu tant de douleurs et souvent. Elle est demeurée tendre pour ceux qui font mourir ses enfants. Elle est restée belle. Et quand les crapules sont mortes, elle est toujours revenue dans le cœur des petits bébés. Quand les bourreaux prennent la porte, elle relève sa tête frisée et quelque temps le monde respire. Hier dans toutes les misères de cette terre, pauvre à en pleurer, elle est toujours noble dans la boue et dans l'ordure et dans la lâcheté qui rend. Elle a su rester pure dans tout un océan de mensonges qu'on lui crache au visage. Elle est toujours belle. Et quand les crapules sont mortes, elle est toujours revenue dans le cœur des petits bébés. Quand les bourreaux prennent la porte, elle relève sa tête frisée et quelque temps le monde respire. Els anys 80, grans protagonistes i gran música que és fàcilment per molta gent reconeixible una vegada el comencem a escoltar, per als instruments, per la manera d'interpretar que s'usava, sigui en anglès, en francès o en castellà o fins i tot en català. Doncs aquí en tenim un d'aquests personatges que és un autor diferent, Étienne Dahou, un personatge que el 1984 ens portava aquesta música. Nascut el 14 de gener del 56 a Oran, a Argèlia, cantant, compositor, autor, actor i productor francès, amb aquest pop que ens portava en aquests anys. L'escoltem en Le Grand Sommeil, una cançó, com hem dit, del 84. Que moi.

Max à la Eid. Entraîner ensemble, descendez en ville à 10. Rire, mourir. On a vu le meilleur comme le pire. Aujourd'hui, on est des hommes, Dieu merci. Faut rendre fière mère, lui ramener ta promise. Frère, je crois qu'il faut passer le next level. Laisse tomber les twins, tu sais ce qu'elles valent. Je fais pas l'ancien, j'ai le même âge que toi. Faut provoquer son destin, ta chance la laisse pas. Au fond, on attend tout son âme, sœur, la fille bien. Grandi parmi les durs, l'amour nous fait du suspense. Sois responsable, une vie stable, t'en es capable. Fais pas genre, tu l'aimes pas. Épouse-la, épouse-la. Des héritiers, à ton âge tu n'as plus le temps pour perdre. Joujou, aime-la. Je l'ai vue respectueuse envers tes proches. Elle s'en moque de ce que tu as dans les poches. Elle veut s'enfuir avec son homme. Construire sa vie loin des hypocrites. Oh mon ami, prends-la dans tes bras. Écoute-moi, t'es son homme. Personne te fera tomber de ton trône. Si tu veux tes enfants, elle mettra au monde. Oh mon ami, je suis content pour toi. Tu vas lui mettre la bague au doigt. Nanana. Épouse-la. Des héritiers, à ton âge tu n'as plus le temps pour faire joujou. Aime-la, aime-la. Tiro no tabirini, valungo lindo indri. Veza ujwe wende wamtahe. Lula belle caisse, Lula belle caisse. Lou la belle caisse, poto, lou la belle caisse. Costume 3 pièces, costume 3 pièces. Costume 3 pièces, vas-y prends ta princesse. Lou la belle caisse, lou la belle caisse. Lou la belle caisse, poto, lou la belle caisse. Tu n'as plus le temps pour perdre. Toujours aime-la. Oh, oh, oh, oh, oh, una de les peces que escoltant la va via d'Alonso des del 100% del seu àlbum de 2017. Aquí havíem canviat una mica d'estil musical, però retornem en d'altres, com per exemple aquesta cançó que ens parla de Chanson à Renault. Alexandre Billiard ens la porta. I després Jacques Brel amb La Parlotte. Petit gavroche du 14e, joueur de guitare à casquette. Et tous les soirs sur les trottoirs, c'est le petit bal du samedi soir. De l'hexagone à la coupole pour une société qui t'aura jamais. Tu chantes les ruelles de Paname et ses odeurs, ses barricades. Plus tard est venu le loubar, les poings serrés et le blouson. De la mob à la Harley, de l'usine à la prison. Tu chantes tous les petits métiers, les manouches et les bastons. Les greluches un peu paumées, les tatouages et les bistrots. À jamais chante la liberté. Les enfants qui flânent sur le pavé. Les points des mots crachés dans un micro. Y'a bien de quoi faire la chanson à Renault. Quoi faire la chanson à Renault. Le Mistral venu t'emporter chante la tendresse, il chante Lola. L'océan remplace le pavé, la moto devient un toit-mât. Il y aura toujours l'amitié qui tient Joe et Pierrot.

t'en chercher. La nuit à te remplacer. Et pour quelques heures parfois, c'était la Dolce Vita. Mais cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé, je ne l'ai jamais retrouvé. Et le soleil décline sur ma mémoire en ruine. Tous les soirs sans fin, je traîne un vieux désarroi dans mon gilet de chagrin, loin de la Dolce Vita. Et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé, je voudrais l'oublier. Mais dans mes rêves classés, je te revois encore. Acabes d'escoltar la música de Christophe amb la Dolce Vita, aquesta cançó que ens portava també un tema que extrèiem des del seu best of, que en deien el millor de la seva carrera discogràfica, la Dolce Vita, en Christophe, i ara mateix una altra de les grans veus de la música en francès, com François Hardy, que ens porta aquest tema, la cantant parisenca, El Sol. Je t'aime et pour toujours tu es fière.